j'avais confiance, j'ai l'habitude à la décevoir. On suit le plan depuis l'enfance, j'suis plus trop sûr de la trajectoire. J'veux pas les aider, j'suis trop loin de leurs histoires, j'prends la tangente. Baby, suis-moi dans la pénombre, j'ai dit pas non si tu m'enchantes. Toute la journée dans les salades, on voit pas large, sinon pas nain. Elle veut qu'on aille dans les palaces, mais j'rentre seulement dans les deux bois. Des heures et j'repars en silence, mais nous apprécions pas mal. Tu sais, ton regard en dit long, j'veux pas de noyer dans des palaces. J'fais des cauchemars où j'ai l'impression que je manque de goût. J'regarde un peu le chargement de mon 17, il manque de goût. Elle me dit pourquoi tu mens, dis-moi que tu m'aimes ou j'casse le coup. Je raconte combien je patiente, ce qui me fait kiffer, ce qui me tient debout. Et toute la semaine, on passe le temps à le perdre. Nous deux on fait la paire, on se sent même dans la mer. Faut pas t'en faire, vie de ma mère. J'ai nagé dans les enfers, et j'suis encore en entier. J'aime cette fille mais j'ai tendance à la perdre. J'ai pas le temps, faut que tu repasses cet après. Ils veulent m'éteindre, j'ai dit viens on parle après. Y'a de la violence dans sa voix donc je me tiens prêt, yeah. J'vois cette fille mais j'suis pas sûr de lui plaire. J'suis pas serein quand je l'invite dans la caisse. Elle veut savoir tout ce que j'aimerais faire après. Y'a de la douceur dans ses yeux donc j'suis à l'aise.